الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Ceci le 44e cours sur le livre Taysir al-Allam, Sharh Umdat al-Ahkam. Cheikh Abdul Ghani al-Maqdisi et l'explication de Cheikh al-Bassam, hafidhahullah, rahimahullah ta'ala. La semaine dernière, on avait expliqué quel hadith. Et le hadith de Aïcha, deux hadiths, Inch'Allah. Je pensais que j'avais fait plus la semaine dernière. Taïb, le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, qui nous le récite. Fadal. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت العفو الرحيم رواه البخاري ومسلم احسنت بارك الله فيك الحديث عائشة رضي الله عنها كي سي بروبوز تفضل عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد ان جلت عليه إذا جاء نصر الوفاة فقال فيها اللهم إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وفي الأرض من يكمل وفي الأرض تفضل منير كما رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في ذكره يكثر أن يقول أحسنت بارك الله فيكم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوتر الحديث الحادي والعشرون بعد المئة Le Cheikh ouvre le chapitre du witr Le hadith 121 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا رواه البخاري ومسلم Le 121e hadith Selon Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما il dit Un homme a questionné le prophète صلى الله عليه وسلم alors qu'il était sur le minbar Que dis-tu de la prière de nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit elles s'accomplissent par deux par deux. Et si l'un d'entre vous a peur que le subh arrive alors qu'il prie une unité de prière qui sera une prière impaire de ce qu'il aura accompli. Qui sera la prière impaire de ce qu'il aura accompli. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, faites de vos prières de nuit la dernière comme impaire. Faites de vos prières de nuit la dernière comme impaire. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Gharib al-hadith, mathna mathna. تأكيد لفظي لا لقصد التكرار فإن ذلك مستفاد من الصيغة أي اثنتين وهو غير منصرف للعدل والوصفية قال الزمخشري وإعادة مثنى للمبالغة في التأكيد ثانيا الوتر بكسر الراء أو فتحها يعني الفرض المعنى الإجمالي سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر عن عدد ركعات صلاة الليل والفصل فيها أو الوصل فمن حرصه صلى الله عليه وسلم على نفع الناس ونشر العلم فيهم أجابه وهو في ذاك المكان فقال صلاة الليل مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين فإذا خشي المصلي طلوع الصبح صلى ركعة واحدة فأوترت له ما صلى قبلها من الليل ولكون الوتر خاتمة صلاة الليل فالأحسن أن يكون صلاة آخر الليل هي الوتر. Les termes du hadith qui méritent explication, mathna, mathna, par deux, par deux. Ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit pour appuyer le fait que la prière de nuit se fait par série d'unités de deux prières. Par série de deux prières. Et ici, Cheikh Al-Bassam dit que ce n'est pas, le professeur Hassan n'a pas dit deux, deux, pour prouver le fait qu'on doit répéter deux après deux, mais pour appuyer le fait qu'elles se font par deux. Il y a une différence entre dire deux, deux, c'est-à-dire t'en fais deux, puis deux, puis deux, puis deux, puis deux, ainsi de suite, et de dire tu en fais deux, deux, c'est-à-dire que tu les fais par deux. Et certains savants ont compris, parmi Cheikh Al-Uthaymin, qu'elles se font par deux, deux, deux, c'est-à-dire que tu peux en faire autant que tu veux. Et c'est notamment une preuve des savants qui disent que la prière de Tarawih peut se faire en plus que 11 ou 13. Parmi leurs preuves, il y a ce hadith de Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par deux, par deux. Mais d'autres savants ont dit que c'était uniquement pour appuyer le fait qu'elles se font par pair. Et al-witr bi kasra ou fathiha ya'ni al-fard, al-fard. Ici je pense wallahu alam que le cheikh voulait dire le waw, ou c'est peut-être une erreur, car on peut dire al-witr ou al-watr. On peut dire al-witr ou al-watr. Ici il y a marqué ar-ra, Allahu alam. Il faudrait que je revoie ce point, soit je n'ai pas compris, ou soit c'est une erreur et ce n'est pas le « ra » qui est voulu, mais le « waw ». Allahu a'lam. Le sens général du hadith. Un homme a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était sur le minbar. Cet homme l'a questionné sur le nombre d'unités de prière qu'il y a dans la prière de nuit et comment la terminer et comment les succéder. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il voulait enseigner à sa communauté et parce qu'il voulait faire profiter les gens et diffuser la science, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cet homme alors qu'il était sur le minbar. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, la prière de nuit se fait par deux. C'est-à-dire deux unités de prière, deux unités de prière. Et il fait le salam après chaque deux unités de prière. Et si le prieur a peur ou redoute que l'heure de sobh arrive, alors qu'il prie une seule rak'at, une seule unité de prière, qui lui permettra de clôturer sa prière de nuit par une prière impaire. Et al-witr, la prière impaire, est celle qui clôture la prière de nuit. Ainsi, il est préférable qu'elle soit la dernière des prières. La prière de l'witr est faite pour clôturer la prière de nuit. Ainsi, le mieux, c'est de prier le witr à la fin. Et ici, le cheikh a dit « fal-ahsan », le mieux. Cela veut dire que ce n'est pas obligatoire, car il y a des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir prié le witr, a rajouté deux unités de prière en étant assis, et le hadith est rapporté par Muslim dans son sahih. Et les savants l'ont déduit, entre autres, qu'il n'est pas obligatoire de clôturer sa prière de nuit par le witr, mais c'est bien sûr ce qu'il y a de mieux à faire. Ikhtilaf ul ulama. La divergence des savants. ظاهر الحديث يقتضي عدم الزيادة في صلاة النافلة على ركعتين وعدم النقص عنهما فإن مقادير العبادات أمر يغلب عليه التعبد فالصلاة أمرها توقيفي لا يتجاوز فيها ما أورده الشرع ولكن ورد أن الوتر قد يكون بركعة واحدة لم يسبقها شيء فقد روى الأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم وابن حبان من حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل ورجح النسائي وقف هذا الحديث. La divergence des savants. Ce qui apparaît de ce hadith et qu'on ne doit pas rajouter dans les prières surrogatoires plus que deux unités de prière. De même qu'on ne doit pas en faire moins. Le professeur Hassan dit que la prière de nuit se fait par pair. On en comprend qu'on ne peut pas faire la prière de nuit par des nombres d'unités de prière ou par des séries d'unités de prière supérieures à deux ou inférieur à deux. Et la plupart du temps, les nombres dans les adorations sont rapportés par la religion et ont pour but et sont purement adoratifs. La plupart du temps, les nombres cités dans les adorations sont adoratifs, c'est-à-dire qu'on les fait pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, et que c'est comme cela qu'on doit faire et pas autrement, même si on n'en comprend pas la sagesse. Comme les prières obligatoires, qui certaines sont de 4, d'autres de 2, d'autres de 3. Mais il a été rapporté que le witr peut se faire en une seule raka'a sans être précédé par quelconque prière. Il a été rapporté par les quatre sauf At-Tirmidhi. Qui sont les quatre? Abu Daoud, An-Nasa'i, Ibn Majah et At-Tirmidhi. Donc les quatre l'ont rapporté sauf Al-Imam At-Tirmidhi. Et le hadith a été jugé authentique par Al-Hakim Ibn Hibban. Et entre autres, il a été également jugé authentique par Sheikh Al-Albani, rahimahullah. Qui est le hadith d'Abu Ayyub Al-Ansari radiyallahu an, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui veut faire le witr en 5 unités de prière qu'il le fasse et celui qui désire faire le witr en 3 unités de prière qu'il le fasse et celui qui veut faire le witr en une seule unité de prière qu'il le fasse. Donc dans ce hadith il y a la preuve que la prière de nuit peut se faire par plus que des séries de deux et moins que des séries de deux. كما صح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بركعة واحدة لم يتقدمها صلاة شفع فهذا تخصيص للحديث في نقص النافلة عن ركعتين في ركعة الوتر أما الاقتصار على ركعة واحدة في النافلة في غير الوتر فعن أحمد فيه روايتان والرواية التي عليها المذهب هي الجواز أما الرواية الأخرى فهي المنع في التنفل بركعة واحدة وهذا ظاهر ما يراه الخرقي وقد قواه ابن قدامة في المغني بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى أما الزيادة على ركعتين في النافلة فعلى الوتر من الليل جاء في الصحيحين حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرهن وأخرج أصحاب السنن من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ولكن قال الصنعاني أكثر الأئمة أعلوا زيادة النهار وقالوا إن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها وهي من رواية علي الأزدي قال ابن معين من علي الأزدي أما الزيادة في صلاة النهار فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند زوال الشمس أربعا ثم أربعا أخرجه الترمذي. Comme il a été rapporté de façon authentique qu'un groupe des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont déjà fait le witr en une seule rak'at sans avoir précédé ce witr par une quelconque prière paire. Et ceci est donc, vient donc préciser et restreindre le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu. Et vient prouver que l'on peut faire moins de deux rak'at lorsqu'il s'agit du witr. Qu'on peut faire moins de deux rak'at lorsqu'il s'agit du witr. Quant au fait de faire une seule rak'at dans une prière surérogatoire qui n'est pas le witr, selon l'imam Ahmed, il y a deux versions. La première, l'autorisation, et l'autre version est l'interdiction. Et ceci est ce qu'a choisi Al-Khiraqi. Et c'est l'avis également qu'a soutenu l'imam Ibn Qudama dans son livre Al-Mughni, en s'appuyant sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prière de nuit est par deux, par deux. Et quant au fait de faire plus que deux rak'at, il y a le hadith de Aïcha radiallahu anha, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le witr en cinq unités de prière. Il ne s'asseyait dans aucune des unités de prière, sauf dans la dernière. Et il est rapporté également dans le hadith d'Abdullah ibn Omar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prière de nuit et de jour se fait par deux, par deux. Mais beaucoup de savants ont considéré l'ajout, la prière de nuit et de jour. Le terme de jour a été considéré faible par beaucoup de savants des gens du hadith. Car il y a dans les rapporteurs Ali al-Azdi et l'imam Yahya ibn Ma'in, qui est un grand savant dans le Jarh wa Ta'dil, qui connaissait parfaitement les rapporteurs du hadith, lorsqu'il a été questionné sur Ali al-Azdi, il a dit « Qui est Ali al-Azdi ?» Il était donc inconnu pour lui. Et un rapporteur qui est inconnu, est-ce que son hadith peut être authentique ? La réponse est non. Sauf si c'est un compagnon. Sauf si c'est un compagnon, car tous les compagnons sont udoul. Donc si un rapporteur dit, était rapporté d'un parmi les compagnons du professeur sallallahu alayhi wa sallam, sans le citer, le hadith est authentique, car tous les compagnons du professeur sallallahu alayhi wa sallam sont justes, et on accepte leur hadith, même si on ne connaît pas leur nom. Et une preuve que l'on peut faire plus que deux rak'at dans la prière du jour est le hadith rapporté par At-Tirmidhi dans ses sunan, en lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait au moment où le soleil atteignait son zénith, ou après que le soleil ait dépassé son zénith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait quatre, puis quatre. Donc ceci prouve que l'on peut également faire la prière de jour par plus que des séries de deux. أما أقوال الأئمة في ذلك فالإمام أحمد أجاز الزيادة في النافلة إلى أربع لهذا الحديث والشافعي أجاز الزيادة بلا حد ومالك لم يجز الزيادة على ركعتين عملا بحديث صلاة الليل مثنى مثنى وقد جمع العلماء بين حديث عائشة الذي في الصحيحين وحديث ابن عمر الوارد في الصحيحين أيضا، وذلك بالفصل بين كل ركعتين بتشهد وسلام، ويجوز زيادة إلى القدر الوارد في ذلك، إلى القدر الوارد فقط. Et quant à la parole des imams sur ce sujet, à savoir de prier plus que deux dans les prières surérogatoires, et l'imam Ahmed a autorisé cela dans les prières surérogatoires jusqu'à quatre. On ne peut pas faire des séries plus grandes que quatre. Et l'imam Shafi'i a autorisé de faire plus sans donner de limite. Et l'imam Malik, rahimahullah, a autorisé uniquement des séries de deux en mettant en application le hadith de Abdullah ibn Omar, la prière de nuit se fait par deux, par deux. Et les savants ont réuni le hadith de Aïcha radiallahu anha, rapporté dans les deux sahih, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié 5 rak'at. Et le hadith de Abdullah ibn Omar, rapporté par Al-Bukhari également, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la prière de nuit se fait par paire de deux. En disant وذلك بالفصل بين كل ركعتين بتشهد وسلام. Ils disent qu'on peut en faire plus à condition de clôturer chaque deux unités de prière par un tashahud et un salam. Ainsi on réunit les savants entre ces deux hadiths, et ils ont dit également que l'on peut faire plus qu'à condition que cela soit rapporté dans la sunna. Autrement dit, on ne peut pas dire qu'on fait plus sans donner de limite. Mais il faut fixer une limite qui est le nombre rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ما يؤخذ من الحديث يستدل به على أن صلاة الليل ركعتان ركعتان بلا زيادة ولا نقصان. Ce que l'on retient du hadith, premièrement, que ce hadith prouve que la prière de nuit se fait par deux rak'at, sans rajouter ni diminuer. Sans rajouter ni diminuer. ثانيا, إن الوتر يكون آخر صلاة الليل لمن وثق من نفسه بالقيام. Deuxièmement, que le witr est la clôture de la prière de nuit pour celui qui est sûr de se lever. Pour celui qui est sûr de se lever. Thalithan, troisièmement, inna waqt al-witr yantahi bi tulu' al-fajr. Troisièmement, que l'heure du witr se termine au moment de l'apparition de l'aube. Rabi'an. Al-afdalu anna al-witra yakunu ba'da salati shaf'in. Fataqdimu shaf'in qabla al-witr huwa as-sunnah. والاقتصار في الوتر على ركعة واحدة لم يتقدمها شفع جائز، فقد جاء في حديث أبي أيوب مرفوعا ومن شاء أوتر بواحدة، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلها. Quatrièmement, le mieux est de faire et que le witr se fasse après une prière paire. Que le witr, qui est une prière impaire, se fait après une prière paire. De précéder le witr par une prière paire est la sunna. Et quant au fait de se contenter du witr en une seule rak'a, sans la précéder de prière paire, cela est autorisé, comme cela est rapporté dans le hadith d'Abu Ayyub, et celui qui veut faire le witr en une seule unité de prière, qu'il le fasse. Et le hadith est rapporté par Abu Daoud, An-Nasa'i, authentifié par l'imam Ibn Hibban et Al-Hakim. De même qu'il a été rapporté de façon authentique que des compagnons, radiyallahu anhum, ont fait le witr en une seule raka'a sans avoir fait de prière auparavant. Khamisan, ijabatu sa'ili ala mashhadin minan nas li ta'mim il fa'idah. Cinquièmement, on retient de ce hadith également le fait de répondre à celui qui nous questionne devant tout le monde, devant le public, afin que tous puissent profiter. Afin que tous puissent profiter. Sadisan, istihbabu al-witr, wa qad qila bi wujubihi, wa ar-rajihu annahu laysa bi wajib, lakinnahu min afdal at-tatawu'at لكثرة النصوص في الأمر به وفضله وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه في حضر ولا سفر. Sixièmement, on retient de ce hadith que le witr est préférable. Et certains ont dit qu'il était obligatoire, mais l'avis le plus fort est qu'il n'est pas obligatoire, mais que c'est l'une des meilleures prières surérogatoires. Car il y a énormément de textes qui ordonnent de le faire et qui montrent ses mérites. Et également parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais délaissé le witr, qu'il soit résident ou en voyage. الحديث الثاني والعشرون بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر رواه البخاري ومسلم. Le 122e حديث selon عائشة رضي الله عنها elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le witr dans toutes les parties de la nuit, au début de la nuit, au milieu de la nuit et à la fin de la nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé sa vie en faisant le witr au moment du sahar, autrement dit, juste avant l'aube, juste avant l'apparition de l'aube, c'est-à-dire à la fin de la nuit. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-ma'na al-ijmali. Yadkhulu waqtu al-witr min al-faragh min salati al-isha wa yantahi bi tulu' al-fajr. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتر أول الليل وأوسطه وآخره ولكون إيقاعه في آخر الليل أفضل استقر وتره في السحر ليختم به صلاة الليل. Le sens général du hadith. L'heure du witr entre lorsque la prière de l'Isha se termine. Et l'heure du witr se finit lors de l'apparition de l'aube. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le witr durant sa vie, au début de la nuit, au milieu de celle-ci, à la fin de la nuit. Et parce que de faire le witr à la fin de la nuit est ce qu'il y a de mieux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'habitude de faire le witr au moment du sahar, qui est le moment qui précède l'apparition de l'aube, afin de clôturer par celui-ci la prière nocturne. Afin de clôturer par le witr la prière nocturne. Al-ahkam, les jugements. Awalan, جواز صلاة الوتر في أول الليل وأوسطه وآخره لأن الجميع وقتها. Premièrement, premier jugement que l'on déduit de ce hadith, l'autorisation de faire la prière du witr au début de la nuit, au milieu de la nuit, à la fin de la nuit, car tout ceci est l'heure du witr. Car tout ceci est l'heure du witr. Thaniyan, inna al-afdal an yakuna witruhu fi akhir al-layl liman wathaqa min nafsihi bil-qiyam. Deuxièmement, le mieux, ce qui est le plus préférable, est que le witr se fasse à la fin de la nuit pour celui qui est sûr de pouvoir se lever. Pour celui qui est sûr de pouvoir se lever. Quant à celui qui n'est pas sûr de pouvoir se lever, alors qu'il prie le witr avant de dormir, que ce soit au début de la nuit ou au milieu de la nuit. اختلاف العلماء اتفق العلماء أن ابتداء وقته بعد صلاة العشاء واختلفوا في نهايته فذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد إلى أن نهايته صلاة الصبح وذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه إلى أن وقته ينتهي بطلوع الفجر وجزم بها في المغني وعليها الحنابلة المتأخرون وقال في المغني إنه يكون بعد الفجر قضاء وممن ذهب إلى هذا صاحب أبي حنيفة والثوري وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من نام عن صلاة وتره يصليهما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح كما فعل ذلك ابن عمر وعائشة وغيرهما وقد روى أبو داود بسنده عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. La divergence des savants. Les savants sont tous d'accord que l'heure du début du witr est après la prière de l'Isha. Lorsque la prière de l'Isha se termine, l'heure du witr commence et ceci à l'unanimité des savants. Ils ont divergé par contre sur l'heure de fin du witr. L'imam Malik, l'imam Shafi'i et une version de l'imam Ahmad disent que la fin du witr, c'est la prière de Subh. Il y a une différence entre l'apparition de l'aube et la prière de Subh. La prière de Subh, c'est lorsque la prière est terminée. Elle peut se faire bien après le lever du soleil, bien après Afwan, l'apparition de l'aube. Donc il y a une grande différence entre de dire l'heure du witr se termine à l'apparition de l'aube et l'heure du witr se termine à la fin de la prière de Subh. Et l'imam Ahmed, dans l'avis qui est le plus connu de lui, est que le moment que la fin du witr intervient lorsque l'aube apparaît. Lors de l'apparition de l'aube. Et l'imam ibn Qudama a certifié que c'était l'avis de l'imam Ahmed dans son livre Al-Mughni, et c'est également l'avis de Al-Hanabila contemporain. Et l'imam ibn Qudama rahimahullah a dit dans son livre Al-Mughni que le witr se fait après le fajr lorsqu'on le rattrape. Que le witr se fait après le fajr lorsqu'on le rattrape. C'est-à-dire celui qui a dormi ou qui l'a oublié, alors il le fait, il peut le faire même après l'apparition du fajr, même après l'apparition de l'aube. Et c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa et de l'imam Al-Thawri. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: celui qui dort pendant sa prière du witr, alors il peut le prier entre l'apparition de l'aube et la prière du subh, comme l'a fait Abdullah ibn Umar, Aisha radiyallahu anhuma et autres que également. Et l'imam Abu Daoud rapporte selon Abu Sa'id radiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dort pendant son witr ou qui l'a oublié alors qu'il le prie au matin ou lorsqu'il s'en rappelle. Alors qu'il le prie au matin ou lorsqu'il s'en rappelle. فما قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثالث والعشرون بعد المئة le 123e حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها رواه مسلم. Selon Aïcha radiallahu anha, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la nuit 13 rak'ah. Parmi ces 13, il faisait le witr en 5. Et dans ces 5 unités de prière, il ne s'asseyait dans aucune des unités sauf dans la dernière. Hadith rapporté par un musulman. Qu'est-ce que vous remarquez dans ce hadith? Naam? Le hadith de Aïcha où le prophète Hassan priait la nuit 13 rak'at. Dans ces 13, il y avait le witr en 5 rak'at. Il ne s'asseyait dans aucune de ces rak'at, c'est-à-dire des 5 dernières, que dans la dernière. Rapporté par un musulman. Naam? Non. Vous êtes parti trop loin. Non. Non. Le hadith est rapporté par musulman uniquement. Alors que l'auteur s'était fixé comme objectif de ne citer dans son livre que les hadiths rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ceci est un des hadiths qui ne respecte pas la règle, mais cela n'est en aucun cas un reproche sur l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi, rahimahullahu ta'ala. Mais c'est juste une remarque que font les savants, notamment, qui expliquent Umdat al-Ahkam pour attirer l'attention que ce hadith n'est pas rapporté par Al-Bukhari, mais uniquement par Al-Bukhari et Muslim. Car ceux qui apprennent le hadith de Umdat al-Ahkam, l'un des avantages, c'est que lorsque tu sais que le hadith est dans Umdat al-Ahkam, tu sais automatiquement qu'il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et tu peux dire qu'il est rapporté dans les Sahihain, entre guillemets. Sauf qu'il y a certains hadiths, et celui-ci n'est pas le seul, qui sont rapportés soit par Al-Bukhari uniquement, ou soit par muslim uniquement, mais ces hadiths ne sont pas nombreux. المعنى الإجمالي تصف عائشة رضي الله عنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل بأنه يصلي 13 ركعة فيصلي الثمان الأول ركعتين ركعتين ثم يصلي خمسا في سلام واحد لا يجلس إلا في آخرها ويجعلها وتره. فائدة: اختلفت الروايات عن عائشة في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روي 7 و9 و11 و13 وغير ذلك، وروي عنها في الصحيحين أنه ما كان يزيد على 11 ركعة، وأحسن ما يجمع بينها أن الرواية بعدم الزيادة على 11 ركعة هو الأغلب من صلاته، وقد يزيد وينقص حسب النشاط وعدمه أو لقصد التعليم وبيان الجواز أو لقصد التعليم وبيان الجواز. le sens général du hadith. Aïcha radiallahu anha décrit la prière de nuit du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait que le prophète alayhi salatu wa sallam priait 13 unités de prière. Il commençait par prier 8 unités par série de 2. Puis, il priait 5 unités avec un seul salam. Il ne s'asseyait qu'à la fin de ces 5 et considérait ces 5 comme son witr. Et considérait ces 5 comme son witr. Il remarque que c'est Cheikh al-Bassam, rahimahullah, que les versions de Aïcha radiallahu anha sur la façon de prier, la façon du prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier la prière de nuit divergent. Certaines rapportent 7 rak'at, d'autres 9, d'autres 11. D'autres 13. Et il est rapporté, d'après Aïcha radiallahu anha, comme cela est cité dans le Sahih de l'imam Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ajoutait pas dans sa prière de nuit plus que 11. Ne dépassait pas 11 rak'at dans sa prière de nuit. Et ce qui a été dit de mieux pour rassembler toutes ces versions de hadith, et que la version qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait plus que 11, cela est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le plus souvent. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait faire plus, comme il pouvait faire moins, et ceci selon la nashat. Comment traduire nashat? Selon l'énergie qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et selon son état de fatigue ou non. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la force de faire plus, il faisait plus. S'il n'avait pas la force de faire plus, il faisait moins. Ce qui explique que Aïcha radhiyallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait 7, faisait 9, faisait 11. Et lorsqu'elle a dit « n'a jamais dépassé 11 », les savants ont déduit que c'était ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le plus souvent. Mais il pouvait faire plus, comme 13. Et c'est Aïcha radhiyallahu anha elle-même qui rapporte cela. Donc les savants ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait plus ou moins selon son état, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait plus ou moins en guise d'enseignement, et pour montrer que tout cela est autorisé. En guise d'enseignement, et pour montrer que cela est autorisé. Al-ahkam al-mustanbata min al-hadith. Awalan, inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qad yaj'alu salatahu fi al-layli 13 rak'ah min duni rak'atay al-fajr. Premièrement, ce que l'on retient de ce hadith est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait prier la nuit, 13 raka'at, 13 unités de prière, sans compter les 2 raka'at du Fajr. Sans compter les 2 raka'at du Fajr. Qui sont les 2 unités de prière surérogatoires que l'on fait lors de l'apparition de l'aube, et ceci jusqu'avant la prière de Subh. ثانيا وإنه يوتر في بعض الأحيان من صلاته بخمس ركعات لا يجلس إلا في آخر ركعة منها. Deuxièmement, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le witr certaines fois en faisant 5 unités de prière, il ne s'asseyait que dans la dernière de celles-ci. Et lorsque l'on dit il s'asseyait, c'est-à-dire qu'il faisait le tashahhud et le salam. ثالثا إن المراد بكون صلاة الليل مثنى مثنى في غير الوتر. Troisièmement, فإنه صلى الله عليه وسلم قد يصلي سبعا لا يجلس إلا في آخرها وقد يصلي خمسا لا يجلس إلا في آخرها وقد يصلي تسعا يتشهد في الثامنة منها بلا سلام ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. Troisièmement, ce qui est voulu par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la prière de nuit, qu'elle se fait par paire de deux raka'at, par série de deux raka'at, ceci ne concerne pas le witr. Ce sont les prières de nuit qui ne sont pas du witr, qui ne sont pas le witr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié le witr 7 unités de prière. Il ne s'est assis que dans la dernière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait en prier 5 en ne s'asseyant que dans la dernière. Et il pouvait aussi en prier 9. Il faisait le tashahhud à la 8e sans faire le salam. Puis il se levait pour la 9e unité de prière, et ensuite faisait le tashahhud et le salam. Donc lorsque le professeur Hassan faisait le witr en 9, il faisait 8 d'affilée. À la 8e, il s'asseyait, il faisait le tashahhud, il se levait, terminait la 9e, faisait le tashahhud et le salam. Non. Rabi'an. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل وأوكد ذلك الوتر وركعة الفجر. Quatrièmement, الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله dit: la meilleure des prières est après la prière obligatoire et la prière nocturne. Et dans la prière nocturne, ce qui est le plus recommandé, c'est le witr et les deux raka'at du fajr. C'est le witr et les deux raka'at du fajr. Les deux raka'at du fajr, sur lesquelles le prophète sallam a dit qu'elles sont meilleures que la terre et ce qu'elle contient. Alors que ce sont deux unités de prière surérogatoires. Khamisan. Wa qala ba'dan zakara wujuha al-witr al-walida fi sunnah. والصواب أن الإمام إذا فعل شيئا مما جاءت به السنة وأوتر على وجه من الوجوه المذكورة يتبعه المأموم في ذلك. Cinquièmement, et il a dit, c'est-à-dire Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, après avoir cité les différentes façons de faire le witr dans la sunnah, il a dit, c'est-à-dire Cheikh al-Islam, rahimahullah, et la vérité est que l'imam, lorsqu'il fait l'une de ces sortes de witr rapportées dans la sunnah, alors ceux qui prient derrière lui doivent le suivre dans cela. Si l'imam a choisi de faire le witr en 5 raka'at, en 7, comme on le verra que cela existe en 7 également, en 9, eh bien, ceux qui prient derrière lui doivent le suivre et faire comme leur imam. Sadisan, qala al-muhamili, salatuhu sallallahu alayhi wa sallam al-witr sittatu anwa'h. ألف ركعة واحدة باء ثلاث ركعات مفصولة جيم خمس ركعات لا يقعد إلا في آخرهن ويسلم دال سبع ركعات يقعد في السادسة ولا يسلم ثم يقوم إلى السابعة ويتمها. ها تسع ركعات يتشهد في الثامنة ولا يتمها ثم يقوم إلى التاسعة فيتمها. واو إحدى عشرة ركعة يسلم في كل ركعتين ثم يأتي بواحدة. المحامي رحمه الله أدي que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié le witr de six façons différentes. La première façon de prier le witr en une seule et même rak'at. La deuxième façon en faisant trois rak'at distinctes, c'est-à-dire les unes après les autres. Troisièmement, cinq rak'at il ne s'asseyait que dans la dernière, puis faisait le salam. C'est notamment ce qui a été rapporté par Aïcha radiallahu anha. La quatrième façon, de faire sept raka'at, d'en faire six d'affilée, puis de s'asseoir après la sixième, et de faire le tashahhud, puis se lever pour la septième et la terminer, c'est-à-dire faire le tashahhud plus le salam. La cinquième façon, neuf rak'at, huit d'affilée, en s'asseyant à la huitième, en faisant le tashahhud sans le salam, puis se lever pour la neuvième et la terminer avec un tashahhud et un salam. Et la sixième façon, de faire 11 rak'at, de faire le salam après chaque série de deux. Combien de séries de deux? 5. Puis de terminer par une seule rak'at. Puis de terminer par une seule rak'at. Certains savants ont considéré ça comme un witr dans sa totalité. Et d'autres ont considéré que le witr dans ses 11 n'était que la dernière. On a fait bi hadha al-qadr wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.